Retour au bercail. Le 26 mai, Faustine prend le TGV pour Paris. Devant la maison de Saint-Rémy, sa nouvelle voiture, une petite Peugeot 104, l'attend. Merci, Maxime. Dommage qu'il faille systématiquement passer par un bras de fer pour obtenir quelque chose d'aussi simple et raisonnable. À croire que leur couple ne fonctionne qu'à cette condition, compétition permanente et rapport de force. C'est usant à la longue. Faustine n'aura pas le mauvais goût de mettre le doigt sur ce ressenti aujourd'hui, d'autant que son mari, plein de bonne volonté, l'entraîne dans le garage où il a rangé deux superbes vélos neufs. Avec ça, nous nous ferons du bien. J'ai pris également un abonnement à la piscine de Chevreuse. Ils ont un sauna à côté des bassins. Tu vas adorer. Effectivement. Tu vois, je t'avais promis que nous avions un avenir ensemble, même sans enfants. Il y a des dizaines de châteaux à visiter dans la région. Maintenon, Rambouillet, Fontainebleau. D'innombrables balades possibles, mais aussi des musées extraordinaires. J'ai assez de projets pour remplir une vie. Descendre le canal du Midi en péniche n'en est qu'un exemple. Tu verras, mon amour, notre existence n'est pas terminée, contrairement à ce que tu pensais. Pour commencer, dans 2 jours, nous avons rendez-vous à l'hôpital Necker. Je les ai appelés il y a 3 semaines. Juste au moment où je me demandais si j'allais rentrer, pense Faustine. En 1986, le département d'insémination artificielle est tout récent. Parents pauvres, à peine tolérés, sous les toits de l'immense hôpital. Par contre, l'accueil compense largement l'absence de moyens. L'enthousiasme de l'équipe d'intervenants est contagieux. Claire, la jeune réceptionniste, accueille le couple chaleureusement. Maxime et Faustine sont favorablement impressionnés de réaliser que la responsable du service, professeur réputé, a pris le temps de lire leur dossier de fond en comble avant leur rendez-vous. « Madame, monsieur, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vous préviens tout de suite que les délais d'attente sont très longs, faute de donneurs. Actuellement, il faut compter 18 mois. »« Tant que ça, on peut rien faire pour accélérer le processus ?» s'inquiète Faustine. « Si, apportez votre contribution. »« Comment ça ?»« En trouvant un donneur de sperme. » »« Ça devrait pouvoir se faire. » Faustine a déjà sa petite idée. Dans ce cas, le délai passerait à 6 mois. Parfait. Nous vous confirmerons l'identité du donneur au plus vite. Que va-t-il se passer ensuite? Le protocole est le suivant. Madame prend sa température tous les matins avant de poser un pied par terre. Toujours dans les mêmes conditions. Même thermomètre, même méthode. C'est important. Elle reporte sa température sur du papier millimétré. Sur l'axe vertical, la température au 10e de degré près, 36, 36,1, 36,2, 36,3, etc. Et sur l'axe horizontal, le jour du cycle, J1 correspondant au premier jour des règles. Puis, on relie les points afin d'obtenir une courbe. On recommande de réaliser la courbe sur au moins 2 cycles consécutifs. La présence d'une élévation thermique avec un plateau en seconde partie de cycle confirme l'ovulation. Celle-ci a lieu le jour précédant la montée de température, ou plus exactement le jour où la température baisse légèrement pour ensuite remonter. La courbe de température permet de déterminer l'ovulation uniquement a posteriori, lorsque la période de fertilité est terminée. À partir de là, on déduit la date d'ovulation présumée du cycle suivant. Bien sûr, cela ne fonctionne qu'en cas de cycle régulier. « Ce qui est mon cas, » répond Faustine. « J'ai toujours été réglée, comme du papier à musique. »« Parfait ! Tous les espoirs sont permis, alors. » Et ensuite, dans votre cas, sur 6 mois, vous aurez déjà une courbe précise. Le jour J, vous prendrez rendez-vous au centre d'imagerie médicale le plus proche de chez vous. On vous demandera d'ingurgiter 1,5 litre d'eau, puis de vous présenter à l'échographie. Si le résultat est bon, vous foncerez immédiatement à Necker où un faible échantillon de sperme sera déposé dans votre utérus à l'aide d'une canule spéciale. Ça fait mal? Non, c'est tout à fait indolore, rassurez-vous. Il n'y a pas besoin d'anesthésie. Cela prend 10 minutes. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. On a une idée du taux de réussite? entre 18 et 30%. Pour certaines, cela fonctionne du premier coup, pour d'autres, c'est un peu plus long. Dit comme ça, ça semble bien peu, commente Faustine. Et la prise en charge, demande Maxime. La sécurité sociale prend intégralement en charge 6 tentatives. Étant donné que vous n'avez pas de problème de stérilité proprement dit, vous avez toutes vos chances. Dès le lendemain, après avoir pris sa température, Faustine fonce chez Sylvie à Bois d'Arcy. Les deux femmes ne s'étaient pas revues depuis la mort de Julien. Entre rire et larmes, elle rattrape le temps perdu. Puis Faustine en vient à l'objet de sa visite, trouver un donneur. Sylvie connaîtrait-elle quelqu'un? Mais bien sûr, mon mari. Tu es sûre? Il acceptera. J'en fais mon affaire. Tu peux compter sur lui. Il aura le temps? Oui, puisque la bourse ferme à midi déjà. Alors voilà le numéro de téléphone à appeler. Sitôt qu'il aura fait le premier don, le compte à rebours peut commencer. Et 6 mois plus tard, j'aurai droit à une première IA. Une quoi? Une IA pour insémination artificielle. Le seul moyen pour nous d'avoir un bébé sain. Tu es sûre? Certaine. Ce serait assez extraordinaire que la foudre nous retombe dessus. Je vois. Alors c'est formidable, Mastine. Ça va fonctionner. Oh oui, je le voudrais tant. Le lendemain, Sylvie confirme que son mari donnera volontiers son sperme. Il a déjà pris rendez-vous à Necker. Quelques jours plus tard, Sylvie appelle pour raconter à son ami le déroulement de la session. Il m'a dit que c'était très drôle. L'équipe est vraiment super sympa. Ça se passe en 2 temps. On lui donne un magazine, il fait sa petite affaire, il va faire un tour, revient, remet ça et le tour est joué. Il doit encore réitérer 2 fois pour remplir son contrat. C'est génial! Je sais pas comment vous remercier. Ce n'était pas une épreuve si terrible, dit Sylvie en riant. Mais c'est vrai que tu peux faire quelque chose pour nous. Oui, bien sûr, quoi donc? Tu pourras nous garder Antoine pendant un week-end. On a terriblement envie d'aller à la mer en moto, Fabrice et moi. Sans problème, tu me l'amènes? Oui, vendredi soir si ça va pour toi. Parfait. Maxime sera absent. Je serai seule avec lui tout le week-end. On va bien s'amuser. De fait, le week-end, même pluvieux, est agréable. Antoine est vraiment facile à vivre. Sylvie a apporté des jouets et Faustine s'amuse comme une gamine avec l'enfant. Dès qu'il y a une éclaircie, ils enfilent bottes, chapeaux de pluie et partent en exploration autour de la maison. Le temps passe vite. Dimanche soir, les parents reviennent chercher leur petit bout. Sylvie, tellement reconnaissante de son week-end de liberté, a rapporté une bourriche d'huîtres. Pas moins de 4 douzaines. Pauvre Faustine, condamnée à les déguster toute seule le plus rapidement possible. En dessert, elle a également reçu un Queen Amman pour 8 personnes et 2 bouteilles de cidre pour faire descendre tout ça. Parallèlement à leur projet d'insémination artificielle, la doctoresse de Necker a suggéré au couple de s'inscrire sur les listes pour une adoption, au motif que si jamais l'IA devait échouer, il n'aurait pas perdu trop de temps, car la procédure est encore plus longue. Faustine téléphone donc à l'organisme recommandé et reçoit les documents. Maxime et elle-même les remplissent laborieusement le week-end suivant. Au vu de leur situation, ils ont toutes les chances pour que leur demande soit prise en compte. Entre le 14 et le 23 juin, Maxime et Faustine s'envolent pour les USA. Maxime doit remplacer un collègue au pied levé dans une entreprise de Denver, Colorado, et refuse de laisser Faustine seule avec ses souvenirs. Tant qu'elle n'a pas d'emploi, il craint une plongée dépressive. Avant leur départ, il prend contact avec son vieil ami d'IBM, Tim, qui vit à Boulder, non loin de Denver. Les deux hommes projettent de se voir. Faustine fait la connaissance de la femme de Tim, Pénélope. Maxime lui a raconté l'histoire émouvante de cette femme. Cela se passait pendant la visite d'une mine d'or désaffectée, alors qu'ils étaient seuls au fond d'une galerie. Son époux a été victime d'un infarctus. Avec une énergie et un courage incroyables, Pénélope est parvenue à le sortir de la mine, le hisser jusqu'à leur voiture et le ramener chez eux. Pas question de déclarer sa mort dans le Colorado. les lois de l'État ne permettant pas un rapatriement rapide. Hélas, suite à ce traumatisme, la pauvre femme a sombré dans l'alcoolisme. Un remariage heureux n'a pas suffi à l'en extraire. Elle sort tout juste d'une énième cure où elle a été admise dans un état de délabrement physique et psychique lamentable. Maxime demande à Faustine de ne pas inciter leur hôtesse à boire. A-t-il voulu, au travers de cette histoire, montrer à sa femme ce qu'elle risque de devenir si elle continue sur sa voie? Le vendredi soir, la joyeuse bande se retrouve dans un club de jazz de Boulder. Et sur l'estrade, les garçons se donnent à fond. Dociles, les deux femmes ont commandé du Schweppes. Pénélope raconte sa vie à Faustine. En milieu de soirée, elle l'entraîne dans les lavatories. Là, elle ouvre une flasque. Faustine comprend alors qu'elle n'a pas eu besoin de son aide pour rechuter. Le lendemain, tout le monde est convié à un brunch au champagne au country club. Entre deux coupes, on se gave de canapés et de petits fours. Faustine est désolée pour sa consœur qui prétend que le champagne, le vin, la bière, ce n'est pas de l'alcool. Elle sent intuitivement que la pauvre femme n'en a plus pour longtemps. C'est dommage, pense-t-elle, car il semble que toutes les conditions sont réunies pour son bonheur. Un second mariage heureux, des enfants, une belle maison, qu'est-ce qui cloche? De retour à Saint-Rémy, le couple apprend que Benny Goodman est mort le 13 juin et Coluche le 19. En ce qui concerne l'humoriste, la polémique s'engage pour des années.